Écoutez, au bureau, Paul et Jeanne discutent. Je ne sais pas ce qu'a le patron aujourd'hui, il n'est pas de bon poil. Il doit avoir des ennuis.